Bonjour à tous. Voilà, je suis particulièrement heureuse d'ouvrir ce colloque dans cet auditorium tout neuf. Je dirais même c'est le colloque de l'inauguration de cet auditorium que nous souhaitions depuis plus de 20 ans. On avait auparavant un petit auditorium, souvent trop petit, trop exigu, où on était amené à s'installer de façon précaire dans la galerie basse. Beaucoup d'entre vous certainement ont vu notre installation à ce moment-là. Et enfin, grâce à tous les travaux du schéma directeur et grâce à une certaine opiniâtreté de notre part, nous avons un grand auditorium qui est maintenant propice à accueillir des colloques scientifiques, et on espère qu'il y aura beaucoup de colloques qui vont se tenir et des colloques ouverts largement, puisque nous avons la possibilité d'accueillir désormais largement. Je suis donc particulièrement heureuse que ce colloque inaugural soit un colloque d'archéologie. L'archéologie est une science nouvelle à Versailles, puisque le premier coup de pioche a été donné il y a 26 ans, quand Jack Lang a lancé la campagne de replantation du parc après la première tempête, celle du 3 février 1990. En effet, dans les années 1980, l'archéologie se cantonnait encore aux époques préhistoriques et antiques. Ensuite, elle s'est étendue difficilement au Moyen-Âge, tandis que les époques modernes et a fortiori contemporaines souffraient d'un préjugé qui supposait que tout est dans les archives. Versailles et les autres résidences royales, particulièrement bien documentées, ont été victimes de ce préjugé. Qu'avons-nous à faire de fouilles alors que tout nous est donné par les écrits? Et là, je dois saluer l'opiniâtreté de Annick Heisman, qui a eu le courage d'affronter notre scepticisme, et je dois dire mon scepticisme, et elle a réussi à persuader, à montrer, à démontrer combien les résultats étaient riches d'enseignements. Et votre présence ici, si nombreux, montre que ce préjugé est maintenant amplement dépassé. Le développement de l'archéologie à Versailles, ainsi que nous le verrons dans les autres résidences, a accompagné l'essor de cette science récente qu'est l'archéologie moderne. Elle se développe non seulement en France, mais aussi dans toute l'Europe, et nous animons un réseau des résidences royales européennes, et nous voyons combien tous nos collègues sont intéressés par cette nouvelle discipline et combien eux-mêmes l'adoptent et en tirent de très grands profits dans tous les travaux de restauration ou de restitution qu'ils mènent. Les opérations de plus en plus nombreuses qui concernent des sites de cette époque de notre histoire démontrent combien histoire et archéologie sont complémentaires, l'une comblant les lacunes de l'autre et l'une éclairant bien sûr l'autre. La présence des documents d'archives font de l'archéologie moderne, et particulièrement dans les résidences royales, une science dont les méthodes diffèrent fondamentalement de ses sœurs aînées. Parce que les vestiges sont attendus, c'est-à-dire que nous avons des a priori. Ce qui n'empêche pas